Et si dans mes jumeaux disait à ses élèves, la vieille demoiselle au chien tremble en vain. Autrice, rythme avec tutrice, panier avec lui, Léon avec caméléon, et soulier avec tablier. Chacun a-t-il compris, aussitôt les enfants crièrent de la vie. Oui, oui, oui, oui, oui, oui, oui, oui. Parfait, et pour me le prouver, prenez tout aussitôt votre petit cahier. Et que dans un instant, par vos soins diligents, qu'à travers bienvenue, sois gentiment guidé. Dès l'instant, les enfants suèrent sans zéro, chacun voulant livrer au plus tôt son morceau. Toto fut le premier à terminer l'ouvrage, étendit triomphant sa poétique page. À l'institutrice charmée et désaffaite à se croiser, on verra assurément très beau les plus jeunes et les jouvences. Ayant ses lunettes ajustées, elle lui dit une voix futée, tandis qu'un rossignol lance son lit gazouillé, près d'un arbre au soleil, et me déshabille.